Chapitre 30e. Un matin, Pulchérie s'éveilla avec un regard étrange dans les yeux. Elle commanda ses femmes de l'habiller sur son lit. Elle fit elle-même l'ordonnance de sa toilette, une robe blanche, un voile et une couronne de fleurs d'oranger sur les cheveux. Quand elle fut accommodée, Mademoiselle de B demanda à son père. Celui-ci vint en grande hâte. Quand il entra, Pulchérie se leva sur son séant, prit dans sa main la main de son père et lui dit respectueusement « Monsieur le comte, voulez-vous me conduire à l'hôtel ?» Monsieur de B, croyant sa fille prise de délire, l'engagea à se calmer. Mais Pulchérie insista en demandant un prêtre. On fit à sa volonté, et le curé du village vint au lit de la malade, en surplis blanc et en étoile violette avec les saintes huiles. « Vous vous trompez, » lui dit Pulchérie avec un sourire charmant. « Ce n'est pas une extrême onction que vous allez faire, mais un mariage. » Puis, regardant vers la porte, « Mon fiancé tarde bien, » ajouta-t-elle. Au même instant, Georges parut. Il était très pâle. Le bras appuyé sur celui d'un domestique, il s'avançait lentement. Les yeux des spectateurs erraient tristement de cette mélancolique figure de jeune homme au lit de mort de Pulchérie. Alors la jeune fille fit ses adieux à sa mère, à son père et à toute la maison, en disant qu'elle allait aux noces éternelles. « Ne pleurez point, » ajoutait-elle, « car mon fiancé est à moi et je suis à lui. » On pleurait cependant beaucoup autour de son lit. Le prêtre fit toutes les cérémonies du mariage. Quand il demanda au comte son consentement, le pauvre père ne répondit pas, il fondait en larmes. Pulchérie et Georges étaient les seuls qui fussent calmes. La sérénité du ciel brillait dans leurs yeux. Pulchérie n'avait jamais été aussi belle. On devinait le paradis derrière sa sainte et transparente pâleur de vierge. Elle suivait avec attention les prières de l'église. On étendit le voile sur la tête des deux époux, et le prêtre, ayant béni l'âne magnétisé, le donna à Georges pour qu'il le passât au doigt de Pulchérie. « Cet anneau, dit-elle alors, me servira à suivre de toutes mes pensées mon bien-aimé dans le ciel. Je veux qu'on le laisse à mon doigt quand je serai morte. » Quand le prêtre eut achevé les derniers rites du mariage, elle ajouta, en se tournant vers le comte, « Permettez-moi maintenant, mon père, d'aller avec mon époux. » Au même instant, Georges, s'étant soulevé du fauteuil où il était resté assis par faiblesse durant toute la cérémonie, se jeta au bras de Pulchérie. Leurs cœurs se touchèrent avec un suprême battement et leurs deux bouches se confondirent dans un même et dernier soupir. Georges reçut sans doute alors l'âme de sa bien-aimée et l'emporta au ciel.